Nous avons vu que la façon la plus simple d'exprimer le futur est d'employer la construction avec le verbe « aller ». Par exemple, « je vais commencer » qui se dit « voy a comenzar » ou « voy a empezar » puisqu'on a vu qu'il existe deux verbes pour dire « commencer » en espagnol. « Comenzar » ou « empezar ». Alors, si vous voulez dire « je vais l'acheter », ça sera voy a comprarlo. Bien. Voy a comprarlo. Voy a comprarlo. Je vais l'acheter. Et nous allons l'acheter. Vamos a... Oui, mais prononcez-le d'une traite. Vamos a... Vamos a comprarlo. D'accord. Vamos a comprarlo. Et... je vais vous appeler plus tard. Vous vous adressez à usted. Voy a llamarle más tarde. D'accord. Voy a llamarle más tarde. Et nous allons vous appeler. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vous appelez. Vamos a... llamarle. D'accord. Vamos a llamarle plus tard. Más tarde. Bien. Vamos a, vamos a, vamos a llamarle más tarde. Et à quelle heure allez-vous m'appeler? Vous posez la question à usted. Ça sera? À quelle heure va... Redites-le encore une fois. À quelle heure va... Oui, c'est ça. Va, à quelle heure va m'appeler? Llamarme. Oui, à quelle heure va llamarme? Et si vous posez la même question à ustedes, à quelle heure allez-vous m'appeler, ustedes? À quelle heure va... à ustedes, c'est-à-dire plusieurs personnes. Plusieurs personnes que vous, vous voyez. Ban. Ban. Ban. Ban a. Ban a, oui, mais à l'oral, on entend ban a. Donc, à quelle heure ban a m'appeler llamarme. D'accord. À quelle heure ban a llamarme. Et... ils vont m'appeler plus tard. Bana. Oui, bana. M'appeler. Llamarme. Bien. Bana llamarme. Et más tarde. D'accord. Bana llamarme más tarde. Ils vont m'appeler plus tard. Et comment dites-vous, à quelle heure vas-tu m'appeler? À quelle heure vas-tu, vous tutoyez la personne. Ah oui. Vas-a. Bien, c'est ça. Vas-a. Vas-a llamarme. D'accord. À quelle heure vas-a llamarme? Donc, on a voy a pour je vais et pour dire vous, usted, vous, vous allez m'appeler, on dit. Ba, ba, ba, llamarme. D'accord, ba llamarme. Et si vous dites la même chose à ustedes, vous allez, se dira, bana, bana, bana, bana, et tu vas m'appeler, tu vas, basa, basa, c'est ça, ils vont m'appeler. Ils vont... ban a. Oui, mais dites-le d'une traite. Bana. Bana. Bana. À l'écrit, ce sont deux mots. Ban a. Mais à l'oral, on entend bana. Nous allons vous appeler demain. La phrase s'adresse à usted. Vamos a llamarle. Encore une fois. Vamos a... vamos a... vamos a... D'accord, vamos, hein? Vamos, c'est nous allons, hein? Vamos, V-A-M-O-S, et vamos a, nous allons, nous nous apprêtons à, hein? Vamos a llamarle, nous allons vous appeler. Demain? Mañana, hein? Avec le N surmonté d'un tilde, hein? Mañana. Mañana. Vamos a llamarle mañana. Nous allons vous appeler demain. D'accord?